Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il va, je ne sais pas où va ce train qui m'emporte loin de toi. Je n'ai pris qu'un vieux chapeau, j'ai sauté dans ce wagon qui transporte des chevaux et j'irai où ils vont. Mais il faut de temps en temps que je change un peu de vie, que je change un peu de vent.